بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم وقال عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ففي هذه الآيات بين الله عز وجل أن عباده المؤمنين سيبتلون قال عز وجل ولكن ليبلو بعضكم وفي الآية الأخرى ولنبلونكم وفي الآية الأخرى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون فلا شك أن من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه يبتلي المؤمن بالكافر الصالح بالطالح والمستقيم بالمجرم والموحد بالمشرك وهكذا ولن تجد لسنة الله تبديلا فالله سبحانه وتعالى il a créé les choses هكذا il éprouve ses serviteurs avec ses ennemis il éprouve le croyant avec le kafir il éprouve le muwahhid avec le mushrik فلا شك أن المسلم يبتلى وسيبتلى أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام نبينا محمد ابتلي قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وهذه في الحقيقة بشرى للمؤمن أن الله سبحانه وتعالى يبخوف هذه سين بون انونس بور المسلم الذي يفقه celui qui comprend et qui médite sur les preuves les arguments qu'on cite c'est une bonne nouvelle pour lui c'est une bouchra قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا أحب الله قوما ابتلاهم si Allah سبحانه وتعالى il aime un peuple il les éprouve فلا تظن أن celui qui est éprouvé Allah il l'aime pas أبدا ولا تظن أن celui qui n'est pas éprouvé directement dans ses biens, dans ses enfants, dans sa santé أن الله لام أبدا لماذا؟ لأن الدنيا عند الله على أكن بوا حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا لو كانت عند الله عز وجل تساوي شيء ما سقى منها كافر Si cette dunya, elle aurait de la valeur, indallah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait pas donné une gorgée d'eau à un kafir. Léanna, comment il va donner une chose qu'il aime bien à une personne qu'il n'aime pas? Antal an, t'as compris, ayyuhal mu'min, annaka tu seras éprouvé. Bi hasb wa qadr imanik, tu seras éprouvé. Qala Isa al-Salam, yubtala al-mar ala qadr dini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est informé à la personne qui sera éprouvée par rapport à sa foi. C'est pour ça que tu trouves les personnes les plus éprouvées à l'Anbiya. Les annahum, ils ont la foi la plus complète. Enfin, ils ont des épreuves par rapport à leur foi. Enfin, anta ayyuhal mu'min, tu seras éprouvé par des a'da. Al-Yahoud, al-Nasara, tu seras éprouvé par les hypocrites, al-Zanadiqa. Tu seras éprouvé par Ahl al-Ma'asi. Tu seras éprouvé par des proches. Il a akhri. Falabud an al-Muslim ya'lam hada. Wa la shak an al-aqiba lit-taqwa. Wa al-aqiba lil-muttaqin. Kama akhbara as-sadiq fi wa'dih subhanahu wa ta'ala. أنت الآن تشك تبقى تبخوي لكن اعلم علم اليقين sans aucun doute أن العاقبة للمتقين celui qui s'accroche à la religion celui qui suit la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام celui qui est sincère العاقبة له et la fin elle sera pour lui celui qui aura le dessus بإذن الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى إلى قدر ومن سنن الله عز وجل أنك تسعي بخوفي كذلك الله سبحانه وتعالى il nous a montré في القرآن أن la victoire et la fin elle sera pour les pieux لكن أيها الإخوة اعلموا أن هذا النصر هذا النصر pour avoir la victoire il y a des أسباب وكلمتنا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا أي بيان أسباب النصر لأننا نحن والله الحمد لله أكن دت أن العاقبة للتقوى وأن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين قال سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين فحق لا بد منه أن الله سبحانه وتعالى إلى مدخل في القرآن أنه حق عليه أن ينصر المؤمن أي لدى la victoire il le secours il l'aide لكن لابد من أخذ الأسباب لابد من أخذ الأسباب والله سبحانه وتعالى ورسول الله عليه الصلاة والسلام إن زمودخي هذه الأسباب في القرآن وفي السنة فنحن إن شاء الله تعالى في هذه الكلمة نذكر شيء من هذه الأسباب على سبيل الاختصار نحن الآن إن شاء الله وصيتي certaines causes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne la victoire على هؤلاء الزنادق الضلال وعلى أنفسنا وعلى جميع الأعداء فهذه إن شاء الله ces أسباب ils vont te servir toute ta vie بإذن الله si tu veux prendre le dessus sur tes ennemis tu vas avoir la victoire et tu vas avoir العاقبة لك فتمسك بهذه الأسباب بعد توكلك على الله عز وجل فنسأل الله عز وجل السداد والإعانة السبب الأول من أسباب النصر أي la première cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire aux croyants ونسأل الله عز وجل أن ينصر عباده المؤمنين السبب الأول la première cause الإيمان بالله وتحقيق توحيده وتحقيق العقيدة ça c'est le premier سبب et c'est le plus important لهذا on l'a cité en premier la première cause c'est l'Iman بالله وتحقيق التوحيد كذلك تحقيق العقيدة tout ça c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne la victoire قال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد هذا وعد من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد ça c'est une promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné أنه il va donner la victoire à ses prophètes, à ses messagers et à ceux qui les suivent إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا في هذه الآية tu sais أنت ceux qui vont être secourus et ceux qui vont avoir la victoire أولا الرسل et الرسل ils ont eu la victoire le prophète محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله كذلك الذين آمنوا الذين آمنوا إيمان صحيح إيمان مبني على علم فهؤلاء celui qui a cette chose فليبشر بالنصر هذا يلغى la victoire لأنه il a une عقيدة صحيحة, il a une عقيدة صحيحة. Et c'est un موحد il adore pas autre qu'Allah il demande pas autre qu'Allah dans une chose qu'il y a qu'Allah qui est capable de lui donner وهكذا وهكذا فهذا السبب سمن أهم الأسباب قال عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يمطر أنه يدافع يدافع أي الله سبحانه وتعالى يليه avec les croyants et il les aide et il les waffaq et il leur facilite. Hatta ils ont la victoire. Anta, si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala il soit avec toi et il t'aide, فلا شك تدو حقق هذا إن الله يدافع عن الذين آمنوا فلا بد من الإيمان لا بد من ابتعاد من الشرك والله سبحانه وتعالى بين في القرآن هذا بوضوح تقدم معنا الآيات قال كذلك قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعد من الله من خبز وتعلم أن الله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض الله سبحانه وتعالى إلا كباب دتو إيا غيان تي بو لامبيشي لا في السماء ولا في الأرض إي أنت الآن إي برومي إي برومي النصر إي برومي لا فيكتوار لكن بشروط افيك دي أسباب قال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض أولا الإيمان الذين آمنوا منكم أما سكون بحقق الإيمان سكون بالشرك إلى آخره هؤلاء يغنطوا بالآية هؤلاء الله سبحانه وتعالى يلغبطوا من النصر أبدا كذلك العمل الصالح وعمل الصالحات الإيمان والعمل الصالح كما قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإيمان مع عمل إيمان مع عمل celui qui a haqqaq l'imam et qui fait des bonnes œuvres, Allah Azza wa Jal il lui annonce annahu qal la yastakhlifannahum fil ard et Allah subhanahu wa ta'ala il va leur donner hadi l'ard ça va être eux khulafa hadi l'ard ça va être eux qui auront le dessus bi'idnillah Azza wa Jal qal kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum فهذه الثانية الله عز وجل إلا مكن dans leur دين ils pourront appliquer leur دين ils auront le dessus ils pourront appliquer les lois d'Allah إلى آخر tout ça بشرط الإيمان والعمل الصالح وفي آخر الآية قال عز وجل وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا كذلك il va remplacer la peur qu'ils ont par rapport aux أعداء les armes et la akhir ils leur font peur tout ça si tahaqqaq hadha Allah subhanahu wa ta'ala il te le remplace en amn et l'amn c'est le contraire de l'khawf khawf c'est la peur et l'amn c'est la paix et à la fin de l'ayah subhanahu wa ta'ala il te montre en une phrase c'est quoi le shart qu'a azza wa jal ya'budunani la yushrikuna bi shay'a c'est ça le shart en t'adore Allah subhanahu wa ta'ala seul et tu ne lui donnes pas d'associé celui qui haqqaq tout ça fa liyabshir bin nasr ajilan ou ajilan imma tout de suite imma un temps déterminé ça va venir lakin al muhim anna al muslim yahaqqaq hada yahaqqaq al tawhid yahaqqaq al iman yasir wan du shirk yasir wan du kufr yasir wan du bid'ah fa hada il lui manquera les autres sabab et il aura un nasr bi'idhni Allah azza wa jal هذا السبب الأول الإيمان بالله وتحقيق توحيده والمعتقد وتحقيق المعتقد تحقيق العقيدة فهذا إن شاء الله تعالى ينصره السبب الثاني وهو مهم كذلك التوكل على الله هذا السبب الثاني التوكل على الله لا على فلان لا على الجيش لا على العدد والعدد لا على الأسلحة لا على النوم on est beaucoup on a des armes on est courageux tout ça لا ينفع بدون توكل أما avec توكل il y a un nombre il y a des armes la personne il est courageux طيب نور على نور أما tout ça sans توكل على الله c'est fashion لماذا لأن الله سبحانه وتعالى celui qui a tout créé celui qui a tout écrit فأنت t'es obligé de revenir à lui حتى إدن قال عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم هذه الآية المهمة si الله سبحانه وتعالى يدن la victoire فلا غالب لك personne pourra prendre le dessus sur toi أبدا t'es tout seul, tu n'as pas d'armes, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a la victoire, tu auras la victoire. Ta'ammalu, qissat Moussa, alayhi salam, que le cheikh nous a expliqué, fi dars al-dohar, fi dars al-tafsir, qissat Moussa avec Fir'aoun. Moussa, alayhi salam, ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient avec Bani Israël. Il y avait des du'afa, ils n'avaient pas d'armes. Ils étaient fait Misr, dans le bilad de Fir'aoun. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné la victoire à la Fir'aoun, Malik Misr. Il avait une armée, il avait Kada, ils avaient un nom. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des causes en Moussa, il prend le dessus. Lien Allah ya'lam. Et Allah, il est à la condition de Qadir. Awwalan, Moussa, celui qui l'a fait grandir et qui l'a élevé, c'est Fir'aoun, lui-même. Ta'lamouna al-qissa. Anna, sa mère, elle l'a mis dans un berceau, il a akhiré, hatta la mère de la femme de Fir'aoun, elle a récupéré l'enfant, elle a réussi à convaincre Fir'aoun, il a akhiré. Le qissa ma'roufa, fil Qur'an. Al-Muhim, anna Fir'aoun, c'est lui qui a éduqué, c'est lui qui a abrité, qui a protégé Moussa, hatta il a grandi. Wayamkurun, wayamkurun Allah, wallah khayrul makirin. Fir'aoun, il a voulu mkar, il a imposé aux gens, anna c'est le Rabb. Anna Rabbukum ul-A'la. Allah subhanahu wa ta'ala, makarabbe. Il a fait qu'il va élever son propre ennemi. Son ennemi, c'est lui qui va l'élever. Famoussa, il a grandi, alayhi salam, tumma al-qissa tawila. Al-Muhim, annahu, il a été ordonné, alayhi salam, Moussa wa Haroun, de sortir min Misr, avec Bani Israël. Ils sont sortis, comme ta'alamoun, hatta ils sont arrivés عند al-Bahr. Et derrière eux, l'armée de Fir'aoun. Et en face d'eux, al-Bahr, la mer, l'océan. Il va aller où? Al-An, il n'a plus le choix. En face de lui, la mer, derrière lui, Fir'aoun, avec une armée, des armes. Hum, ils sont peu, Bani Israël. Ils n'ont rien. Illa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ma'a alladina taqaw, wa alladina hum muhsinun. Moussa, alayhi salam, wa Haroun, c'est des anbiya, c'est des rusul. Ils ont tahqiq l'iman, ils ont tawakkul ala Allah. Fallah subhanahu wa ta'ala, il était avec eux. Hatta dès qu'ils sont arrivés en face de la mer, Kathir ben al-Naz, ils se sont posé des questions, comment on va faire? Lui, il est tawakkul ala Allah, 100%, aucun doute, anna Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner un makhraj, il va lui donner une issue, il va lui donner une solution. La solution, comme ta'alamoun, elle est fi asa, un bâton. Un bâton. Allah, s'il va nsar quelqu'un, under, un pays entier, une armée, Allah, il va nsar ses ibad avec un bâton. La arme, la chaye, un bâton, et de Rabbi Asa. Famoussa, alayhi salam, avec le bâton, il va toucher l'océan, et comme ta'alamoun, l'océan, il s'est ouvert en deux. Moussa, avec Bani Israël, ils sont passés. Comme à Fir'aoun, ils sont venus, ils ont essayé de passer. Et l'océan les a. Il les a tous noyés, comme tu sais. Al-Qissa ma'roufa fil Qur'an. Surat Taha, surat Kathir. Fata'ammal. Ta'ammal hada al-Qur'an. Ma min mushkil, tu trouveras ta solution fil Qur'an. Fil Qur'an. Al-Mu'min, yatawakkal ala Allah. Wallahi, c'est pas le nombre qui va t'aider. Wallahi, c'est pas les armes. Wallahi, c'est pas ton intelligence, c'est pas. Toi, t'as des armes. T'as deux bras, t'as deux jambes. L'ennemi, pareil que toi. T'as du courage, lui aussi, les courageux à la batele. Tu sais tirer, il sait tirer. Lakin, ce qui différencie Anta de l'adou, c'est qu'Anta, tu crois en Allah et tu as placé ta confiance en Allah. Amma lui, il croit que c'est lui qui fait. Et il a la confiance en son arme, en Fulan, en Fulan. C'est ça la différence. Amma Anta, c'est un homme ou c'est un homme. Anta, t'es un être humain ou c'est un être humain. Anta, tu manges ou il mange. Wahakada. Fat tawakkul ala Allah. Tawakkul ala Allah. Alladina, qala azza wa jal, et yansurkum Allah. Fala ghaliba lakum. Si Allah donne la victoire, personne ne peut prendre le dessus. Ka'inan man kan. Il se rassemble toute la planète avec toutes les armes, avec ce qu'il veut. Si Allah, il a pas décrété un an où il aura la victoire, il ne l'aura jamais. Hada, ça pousse, ayyuha al-mu'min, tu places ta confiance en Allah. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété? Ça arrivera. C'est ce que tu veux, ça arrivera. قال عز وجل بعد هذا قال وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده si Allah عز وجل يخذل القوم أي il leur donne la défaite, il ne les secourt pas, il ne leur donne pas la victoire, فمن ذا الذي ينصركم من بعده, qui c'est qui va donner la victoire? أنت. هذه c'est ça عقيدة المؤمن. عقيدة المؤمن أنه يبلغ sa confiance en Allah. أما tu trouves الآن بعض الناس tout est reposé sur le nombre, sur l'armée, sur les armes. Ça, c'est pas une aqidat musulmane. Ça, c'est pas une aqidat musulmane. Le prophète, il a pris le jazira avec peu d'hommes. Ils étaient peu au début. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété à Naoum, ils auront la victoire, ils l'ont eu. Ils l'ont eu. وهكذا. إلى يوم القيامة. وقال عز وجل في آخر الآية وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ça, ça te montre. أن si c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la victoire à qui il veut. Il donne la défaite à qui il veut. Il ne te reste plus qu'une chose. Tu te remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. لهذا Allah subhanahu wa ta'ala khatam al-aya. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فتوكل على الله. توكل على الله. Et les rumeurs, les informations, les kada, ça ne te fait pas bouger un tailleur, al-mu'min. Ils sont 2000, ils sont 10 000, ils ont fait ça, ils ont préparé ça, ils ont des armes. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire trembler la terre sur leurs pieds, sous leurs pieds. Ils n'ont ni armes, ni chèques. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de leur donner une maladie. Ils ne pourront plus rien faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Fatawakkal ala Allah, wa la tubali biha ula. Wa sayati, ma'ana, fi akhir al-kalima, al-mawani'. Al-an, on fait les asbab, les causes, et on va voir les choses qui empêchent d'avoir la victoire. Et on verra en détail. مسألة الكثرة إلى آخره. السبب الثالث تقوى الله وإقامة دينه. Le troisième سبب تقوى الله وإقامة دين الله عز وجل. Dans ton nafs, dans ta famille, tes membres, ton cœur, ta langue, t'applique tout ce que tu peux de la religion d'Allah. فتقوى الله ما استطعتم. وتقوى الله معروف. تقوى الله فعل الأوامر. وترك النواهي لله عز وجل. C'est ça taqwa Allah. Tu fais les ordres autant que tu peux. Tu t'éloignes des interdits, tout ça pour Allah. C'est ça taqwa. وإقامة دينه. الحكم بما أنزل الله في نفسك في غيرك. Tout ça, c'est une des causes أن الله سبحانه وتعالى إدى la victoire. قال عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله سبحانه وتعالى يتمطر صفة الكاركترستيك de ceux qui ont la victoire. الذين إن مكناهم في الأرض أي ceux à qui on leur donne la victoire sur terre. C'est quoi leur صفة, c'est quoi leur caractéristique? أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أنت تستفيد من الآية أن celui qui a passé الله لي donnera pas التمكين في الأرض أبدا. وانت الآن تشوفوا حالة الأمة الإسلامية للضعف كلا إذا pas التمكين في الأرض إلا أن هذا السبب لا محقق. تعلمون أن بعض الناس الآن يبخطن في الجهاد إيه في بصلاة كي سيكي تنبوزي أنت أنت كي سيكي تديك أصلا تشوف ذا بارتي دي مجاهدين تشوف في بصلاة. الله سبحانه وتعالى يجي أقام الصلاة. أنت أصلاً سوري كيف بالصلاة أصلاً النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فكمان تبغى كومباتر pour une cause qui est l'iman qui est élever la parole d'Allah et أنت toi-même t'as pas l'iman. آتوا الزكاة. كم من الناس الآن يسقط الزكاة. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. كم من الناس الآن مجاهد يبغي تفرق الجهاد. Lui-même sur son nafs il a du munkar, il l'enlève pas. Du ma'rouf, il ne le fait pas. Ma balouk, les autres. Il y a toujours un avis le jihad afghani, le jihad qu'ils avaient fait, les Afghans contre les Russes. Ils ont eu la victoire, bi'idnillah azza wa jal. Lakin, min asbab, qu'après, ça n'a pas continué, et ils se sont divisés, ils se sont entretués entre eux, annahum, ba'd, ha'oula al-mujahidi, il veut, il prétend faire le jihad, il veut faire le jihad, imma saint jahal, imma autre chose. Tu le trouves maintenant, ils avaient des talismans autour du cou. Un tawakkul ala Allah. Al-an, lui, sa aqida, et il va combattre et il place sa confiance sur un bout de papier qu'il a accroché autour de son cou. Ou une dent, ou des cheveux, ou de la terre, ou de l'humour. Awalan, il n'a pas haqqaq l'iman. Thaniyan, ba'd al-ikhwa, al-afadil, ils étaient à la mu'taqad sahih, ils faisaient nasiha à haoula, ils taqillaient, ils l'akhiraient, ils ne l'écoutent pas. Là. Mon père il m'a dit, ma mère elle a dit, mon pays c'est comme ça. Anta laisse-moi. Min ayn nasra hada va venir. Ayn qawl Allah azza wa jalla wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Ayn hada? Tousa ayyuha al ikhwa des sabab muhim. Al iman billah. Al tawakkul 'ala Allah. Et taqwa Allah c'est assas an-nasr. Celui qui a pas ça, il aura jamais le nasr. Abadan abadan. aussi, fit dunya, il arrivera des choses, c'est mimbab istidraj, et il n'arrivera jamais à rida Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan. Abadan. Fal'inaya, al'inaya, bi tahqiq hadhihi al'asbab. Qala Isa alayhi salam, ihfad Allah, yahfadka. Si toi, tu ihfad Allah subhanahu wa ta'ala, ay tahfad dina. وتحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا تحفظ الجزاء من جنس العمل احفظ الله يحفظك وتقدمت الآية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذا لا تغتر لنوب لا تغتر لزغم لا تغتر فلان يسون كنترونو الكفار يسون غيوني يفون فيغ كدا يزون فيغ امبارغو يزون فيغ لا تغتر بهذا الله سبحانه وتعالى يسي هذا والله يعلم وانتم لا تعلمون وهم يمكرون يا الله يمكر بهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فانت toutes tes forces et ton espoir tu les mets في هذا الايمان بالله التوكل على الله تحقيق التقوى et tout ça t'es obligé d'avoir un miftah pour tout ça al-ilm يعني الايمان والتوكل والتقوى pour les haqq il faut que tu sois à l'ilm اما un jahil il ne pourra pas haqq هذه الامور comme il faut ça prouve هذا l'importance du ilm l'importance du ilm c'est ça qui va t'aider à avoir ces asbab ces causes العلم العلم سا كتاب الله والسنة رسوله عليه الصلاة والسلام السبب الرابع نصرة دين الله عز وجل قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم قال الإمام العلامة عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله قال أي في قول الله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم لا تفهم من الآية أن الله سبحانه وتعالى إلى بزوان التوى لأن في الآية تنصر الله أي تؤيد الله تسكغ الله هذا ظاهر الآية لكن لا الآية لبعض ظاهرها لا تفهم هكذا أن الله سبحانه وتعالى إلى بزوان التوى أبدا مفهوم الآية كمبفوق أي تنصر دين الله يا محذوف تنصر دين الله Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de secourir sa religion seul. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé pour te prouver comme taqaddam. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Fala tafham min al-ayah anna Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de quelqu'un. Abada. Falihada qal Cheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah, laysa huwa subhanahu wa ta'ala fi hajatin ila ibadah. Il n'a pas besoin, il n'a pas de haja. إليك ليس هو سبحانه وتعالى في حاجة إلى عباده بل هم المحتاجون إليه كما قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الآية قال رحمه الله فالناس كلهم في حاجة إلى ربهم الآن أنت تكون من الآية أن المراد منها سبك الله إلى بزوان طوى أبدا لكن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله tu vas comprendre أن نصر الله عز وجل كما قال شيخ ابن باز قال فنصره سبحانه وتعالى هو نصر شريعته tu dois نصر هذه الشريعة هذا الدين تدافع عنه si une personne elle veut faire du mal au الدين il combat هذا الدين il ment sur الدين فأنت ترد عليه et t'as de la غيرة t'as de la jalousie pour هذا الدين Et si quelqu'un il fait du mal au prophète عليه الصلاة والسلام ou aux compagnons, il les insulte ou il se moque, anta, ça te touche, t'es un musulman. Ça te touche. Et si tu peux redire à hada, t'as redire à lui. Et t'en sur din Allah Azza wa Jal. Celui qui fait hada, Allah Azza wa Jal, y'en sur. Ya ayyuha alladhina amanu, in tansuru Allah, y'en surkum. Al-jaza min jins al-amal. T'as secouru. T'as tout fait pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il te secoure, il te donne la victoire. وفي آخر الآية ويثبت أقدامكم حتى الأقدام حتى الأقدام الله يثبت تشيخ دو توا تغى لا فيكتوار بإذن الله هذا السبب الرابع نصرة دين الله أي ديفوندر لا ريليجيون دالله عز وجل السبب الخامس الدعاء وهو من أهم ما يكون قال ربكم ادعوني أستجب لكم قال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فلا شك أن الله سبحانه وتعالى إلا من كل دمو Et si on le demande, et on est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala wa'ada, il a promis qu'il te répond. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Enfin, si tu lui demandes de nasr et tu es sincère, Allah subhanahu wa ta'ala il te donnera. C'est le dunya et c'est l'akhira. Dans le hadith al-Qudsi, le hadith d'Abi Huraira, قال عز وجل من يدعوني فأستجيب له في آخر ثلث الليل الله سبحانه وتعالى كما تعلمون descend au premier sel et يقول من يدعوني فأستجيب له. Ça, ça te montre العناية بالدعاء. والله c'est أشد من دبابات على الأعداء. Ça sert plus que des chars et des missiles. Le char et le missile, c'est bien, c'est un sabab. Peut-être que tu vas faire, ça ne va pas marcher. Amma du'a, Allah wa'ada. Wa wa'aduhu l'haq, annahu, il va te répondre. Fa l'insan yuksir min al-du'a. Khassatan fi al-awqat allati bayyana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-awqat al-mustajaba. Akhir thuluth al-layl. Dernier tiers de la nuit. Sujoud. Entre l'adhan et l'iqama. À la fin, avant de faire taslim, à la fin de tajahud. والساعة يوم الجمعة الصحيح على عفر المغرب أبقى العصر وكثير المظلوم une injustice, tu lèves tes mains, تدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى فالله سبحانه وتعالى يتدنق. فهذا من أهم الأسباب, خاصة نحن في هذه الفتنة. Rien, on perd du temps, sarahatan. Mit la haoula, wahad il court dans les fenêtres. Wahad il trouve des solutions tout seul avec son ami. Il trouve des solutions, personne les écoute, ils sont deux. Personne les écoute. Ta solution elle est bonne ou mauvaise, personne t'écoute. Ah ouais, il va dans des endroits, il regarde. Tout ça, kathir minha, c'est du farak. Wallah, il s'assoit, il lève les mains, ahsallah. Et s'il y a des sabab à prendre qu'il faut, c'est yati, on prend les sabab. Lakin, on parle farak. Farak. Courir, les rumeurs, foulam, kada, kada. Wallah, tu lèves tes mains, fi waqt, istijaba, Allah subhanahu wa ta'ala, il te répond, on a tout gagné, bi idnillah. On a tout gagné. Et tu trouveras, plus la personne, il est fi farag, plus il délaisse le haq. C'est une règle. Léana, t'as qu'une vie, t'as qu'un cœur. T'as qu'un cœur. On a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, t'as qu'un cœur. T'as 24 heures dans ta journée, comme tout le monde. Si tu passes 10 heures, fi farag, dans les choses qui servent à rien, tu ne pourras pas faire les choses qui sont utiles. Si tu ne charles pas ton esprit bil haqq, elle va te charles bil batil. C'est une nasiha à l'ana jami'an. Khassatan fi hadhihi al-awqat. Khassatan fi hadhihi al-awqat. Wa ta'lamoun anna nabi sallallahu alayhi wa sallam il est mu'ayyid bil wahi. Allah subhanahu wa ta'ala wa'adahu bil nasr. Comme fi hadhihi al-ayat. Avec tout ça, comme ta'lamoun, yom badr, avant la bataille de badr, التي نصر الله سبحانه وتعالى فيها المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم الليل كله هو الى الدب او في الدعاء الى لنا toute la nuit. النبي عليه الصلاه والسلام toute la nuit. Ça, ça te montre ان احيانا الدعاء on est قاصر فيها. نبيك عليه الصلاه والسلام une nuit entière لا نوم ولا شيء الى لنا حتى احيانا في بعض الغزوات الى لنا حتى الرداء يسقط. Son rida, le vêtement que tu mets au-dessus pour couvrir ta poitrine et l'akhir, il tombe. Mais une quatre il lève les mains. Alayhi salatu salam. Hatta Abu Bakr marra qala lin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah kafak munashadat rabbik. Aïe, ça suffit. Yakfik. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te répondre. Mais une quatre du dua. Enfin, nahnu, on doit faire autant qu'on peut. Autant qu'on peut. Fil layl, fil nahar. C'est ça la clé. Wallah, c'est ni les armes, comme on a dit, ni l'adab, ni Fulan, ni les pays Fulan avec toi, ni le Lajnal va faire. Tout ça, c'est des asbab. Et Allah a'lam biha. Amma ad-du'a, c'est muhaqqa. C'est sûr. En tel un, si on dit, t'as deux choses. Une chose qui n'est pas sûre, et t'as une chose qui est sûre, du'a. L'imada, on te laisse la chose qui est sûre. L'imada. L'insan yajtahid. Al-ridal, al-nisa, al-kibar, al-sigar, al-sahih, al-marid, tous. On lève les mains. Et ندعو الله عز وجل حتى يأتي الفرج. السبب السادس اي المهم جدا كذلك الصبر على باسيونس. لماذا؟ لأن أيها المؤمن نحن لا سيتي أبخي الدعاء. لماذا؟ لأن سبب بادر كتو في الدعاء الله سبحانه وتعالى يتكزوس sur le champ direct. الله سبحانه وتعالى يبخو il a éprouvé le prophète صلى الله عليه وسلم à Hud, il les a éprouvé à Hunayn, il les a éprouvé à Badr. أنت toi tu fais du'a, Allah subhanahu wa ta'ala t'es sûr qu'il va t'exaucer. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala il va te prouver kadhalik. Fa anta tu rassembles entre tous les asbab. Tawakkul ala Allah. Tu fais du'a, tu patientes et inshallah tu seras à la khair. Qala azza wa jalla wa laqad kuzzibat rusulun min qablika fa sabaru. Les prophètes ils ont été et les gens ils les ont pris pour des menteurs. Ma baluk anta. T'as qu'une solution, as-sabr. Montre le haq, esbir. قال فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. Ça a été quoi la fin? Ça a été quoi le résultat? أن النصر il est revenu. Ils les ont démenti. Vous êtes pas à la haq. T'es un mejnoun, t'es un sahir. Ils disaient hakada au prophète sallam. Fi ayyamina ils disent t'es un terroriste, t'es un extrémiste, t'es un wahhabi, t'es un kada. Ça a été toi et les prophètes avant toi, akthar. Enfin, t'as une solution. قال عز وجل فصبروا. Le résultat c'est quoi? حتى أتاهم نصرنا. Le résultat أن النصر il est venu. لابد سنة الله عز وجل في قلبه. لكن il faut du sabr, أخي المسلم. Il faut du sabr. Tu patientes. حتى si il t'arrive un mal, une blessure, ou fulan il t'a blessé, imma dans ton corps, imma il t'a blessé dans ton cœur, il a dit une chose que tu n'aimais pas, il a akhiré, c'est takfir de nous. تكفير الذنوب حتى الشوكة حتى ينبي اللي بروفيسور صلى الله عليه وسلم ينفورمي elle te rentre dans le pied, Allah subhanahu wa ta'ala il te kaffar des dhunoub. Ma balouk, une personne elle t'a sur ton dîn, il te combat ila akhir. Fa sadaqa alayhi sallallahu salam anna amra al-mu'min kulluhu khayr. Prophète صلى الله عليه وسلم informé anna tout ce qui arrive au mu'min c'est du khayr. Que ça soit une chose de bien ou de mauvaise pour toi, ça sera du khayr. Qala alayhi sallallahu salam inna amra al-mu'min kulluhu khayr. إذا أصابته ضرة صبر فكانت خير له. Si lui arrive une chose, une difficulté dans sa vie, dans sa santé, dans ses biens, dans ses enfants, يصبر قال عيسى تعالى فكانت خير له. C'est un bien pour lui. وإذا أصابته صرة أي une chose qui lui fait plaisir, شكرا فكانت خير له. Si lui arrive une chose de bien, il remercie Allah et c'est un خير pour lui. وهذا إلا للمؤمن كما قال عيسى تعالى. Cette dunya elle va passer. Aujourd'hui t'es en bonne santé, demain t'es blessé, après demain tu meurs, Fulan il va mourir. Anta t'es mort aujourd'hui, demain il y a un autre, dans 10 ans, dans 100 ans, il n'y a plus personne. Ala wa chal arp qui était avec nous. L'essentiel, comme a dit le cheikh fi ba'd dhuhr ou ba'd al-'asr, l'essentiel c'est sur quoi tu vas mourir. Tu vas mourir. Hada la labud. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Il est mort. Ma balouk anta al-miskin. Lakin l'essentiel, tu vas mourir sur quoi? Si tu meurs à la khayr, que tu meurs aujourd'hui ou demain, ça, c'est la même chose. Hada. Fas-sabr, as-sabr. Qala azza wa jal, innahu man yattaqi wa yasbir, fa inna allaha la yudhi'u ajr al-muhsinin. Si tu patientes, et t'as la taqwa, le sabab qu'on a donné avant, Allah subhanahu wa ta'ala, il gaspillera pas ce que t'as fait. Abadan. Abadan. Patiente, espère. Tout ce qui arrive, c'est pour toi, Inch'Allah. Des hasanat et des dounoubs qui s'enlèvent. T'es gagnant, bi idnillah. C'est comme celui qui est sale et il rentre se laver. Il ressort propre. Faliada akhbar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna al-mu'min la tazal al-balwa alayhi. Le mu'min, il se fait éprouver. Hatta il arrive yom qiyama, il n'a pas un khata. Pas un khata, khalas. Tout a été effacé. Il a eu des épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala lui a effacé et il l'a élevé en degré. Il arrive yom qiyama, pas un khata, fil janna mubashara. C'est ça le but. Amma tu manges, tu dors, fi hadi dunya, t'arrives yom qiyama, t'as aucune hasana, ou pas beaucoup de hasana, t'as plein de péchés, ou l'ayadu billah, tu vas aller où? Tu vas faire quoi? Tu vas demander à qui? Hada, mas'ala, c'est mas'ala d'akhira. Amma c'est dunya les za'ila. As-sababu s-sabi' al-ikthar min dhikrillah. الإكثار من ذكر الله عز وجل. صص السبب السابع. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالله سبحانه وتعالى dans le verset montre أن الفلاح لا غيصد لابد من quoi ذكر الله. Et pas que ذكر الله. لا. قال اذكروا الله كثيرا. أي بكو. هذا من أعظم الأسباب. من أعظم الأسباب ذكر الله. La personne يكثر من التسبيح. سبحان الله من التحميد الحمد لله من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الأحزاب لما قالوا له ولأصحابه إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, ils ont dit ça au prophète عليه الصلاة والسلام. Comme ce qui nous arrive là, أنهم ils ont été bloqués في المدينة et les gens les ont entourés de toutes parts. اليهود المشركون المنافقون قبائل العرب المشركون à l'époque, ils ont entouré, on va en finir avec هذا. فبعض الناس disaient خلاص ils nous ont entourés, قد جمعوا لكم فاخشوهم. Ah, الآن ils vous ont entourés, t'as plus rien à faire, obéis-leur. Le prophète صلى الله عليه وسلم répondait حسبنا الله ونعم الوكيل. Aïe, Allah il nous suffit. On a Allah avec nous. Inna Allah ma'a alladhina taqaw wa alladhina hum muhsinun. On a Allah, mettez-vous toute la planète. Nahnu na khaliq. Hadhihi al-makhluqat, il est avec nous. Mettez-vous 1 milliard, 2 milliards. Nahnu na celui qui vous a créé ma'ana. Qu'est-ce que tu vas faire? Ils ont rien pu faire. Ils ont creusé le khandaq. Khalas, intahaw. Khandaq, ils ont creusé. Un trou, ils n'ont pas pu le passer, intahaw. Min Allah subhanahu wa ta'ala. هذا الإنسان يكثر من ذكر الله يكثر من ذكر الله لأن من أسباب النصر parmi les causes qu'Allah يسكوا un peuple يذكرون الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صباح مساء matin et soir dès qu'il marche, dès qu'il en garde, on essaye de اللسان اللي في ذكر الله صحيح. كم من كلام فارغ الصد, كم من كذا. نسأل الله الهداية. السبب الثامن إعداد القوة. Huitième cause, أي se préparer matériellement. Tout ce qu'on a dit, on dort à نحن les سبب, c'est tout relation avec le cœur, avec le dîn directement. ثم لابد, avec tout ça, que la personne il fasse les أسباب. Fasse les أسباب. إعداد القوة, قال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait al-mighfar ala ra'sih. Al-mighfar ta'alamun, c'est une chose qui propose, comme un casque, qui protège la tête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une épée. Ça ne veut pas dire que nous, tout ce qu'on a cité tawakkul ala Allah, la personne, il fonce et il meurt, je suis shahid. Abadan. La personne, il doit penser ceux qui sont avec lui. Et la personne, il doit prendre tous les adillah. Tu prends les adillah de tawakkul et tu prends les adillah d'akhd l'asba. La personne, il y a un khandaq, il passe par le khandaq. La personne, les gens lui disent Ntabé Huna, Ntabé. La personne la nuit lui disait éteins ton keshaf, éteins. Tout ça, c'est l'art l'asbab. Ça peut être une khadila que toi tu te fais du mal, et en Qiyamah tu rendais compte, et tu fais du mal à tout le jaïj. Ta'ammal qissat Uhud. Afdal al-Nas, al-Nabi alayhi sallallahu alayhi sallam. Ana Sayyidu al-Nas, yawm al-Qiyamah, bila fakhr, qala alayhi sallallahu alayhi sallam. Il est avec ses compagnons, Ahsan al-Nas, ba'd al-Anbiya. ويقاتلون ويجاهدون لإعلاء كلمة الله. C'est pas comme certains pharaons aujourd'hui. Le djihad, il veut un pays, l'autre il veut kada, l'autre il veut l'argent, l'autre sahawa. Là, eux c'était l'Allah faqat. Avec tout ça, une mukhalafa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un groupe, il les a placés dans la montagne, vous bougez pas. Voilà aussi vous voyez, on a pris le dessus, on a eu la victoire, vous bougez pas. Sahaba radiallahu anhu, ceux qui étaient sur cette montagne, ils ont vu ils ont compris que c'était fini, ils ont fait un ijtihad, ils sont descendus. Mukhalafa li Nabi alayhi salam. Et elle n'est pas biqazd. Elle n'est pas biqazd. Ma balouk, celui, tu lui dis là, biqazd, non. J'éteins pas, non. Je me tais pas, non. Je me baisse pas. Passe par là, non. Ça, c'est des mukhalafa biqazd. Ça, tu peux avoir un ta, t'as pas la victoire, et nahnou. قالت زينب للنبي صلى الله عليه وسلم أيهلك أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. Si toi tu خالف l'autre خالف même si on a rien fait, المصيبة englobe le جميع. فأنت تا une responsabilité, t'es pas tout seul. صحيح. Je veux بعض الناس comme ça, je veux الشهادة, il pense qu'à lui. أخي الشهادة si Allah te la قدر elle viendra. لكن fais les أسباب et Allah عز وجل choisit qui il veut. Allah il choisit qui il veut. Il veut te donner shahada, il te la donnera. Il veut pas, il te la donnera pas. Al-Muhim, anta ta'ab, t'as des ordres, t'as des choses à ne pas faire, t'as des choses à faire, fais-les. Et le reste, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui il veut. Hada. Ta'alamoun, qissat Uhud la fin, annahum, al-mushrikoun, ils ont fait le tour. À cause de cette mukhalafa, il n'y avait plus personne sur la vallée, sur cette montagne. Et ils ont attaqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam par derrière. Et ils ont tué des sahabis. Il a arrêté. Une mukhalafa. فمن أسباب النصر إعداد القوة التولي أسباب كنا فيه الترك المعاصي سيأتي معنا في الموانع. قال التاسع كذلك من أدلة إعداد القوة on l'a cité أن النبي صلى الله عليه وسلم il a creusé الخندق. Ça c'est من الإعداد. Le prophète صلى الله عليه وسلم il est pas parti chez lui. Il s'allonge, il lève les mains, je fais pas de sabab. Là. كذلك ça te montre أن le prophète صلى الله عليه وسلم في هذه الحال c'est pas les personnes ils ont besoin de lui. Là je reste au masjid, je dois lire. Il y a des choses أحيانا c'est plus important que d'autres. فأفضل العمل أفضل العمل c'est dès qu'il y a son waqt, tu fais ce amal. Mathalan, entre l'adhan ou l'iqama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré sunnah rak'atayn. Fa'afdal l'amal dans cette période, c'est rak'atayn. Wahad, il nous dit, mathalan, est-ce que je lis le Coran ou je fais rak'atayn? C'est quoi le meilleur? En t'attends cette qa'ida, le prophète t'a montré rak'atayn, rak'atayn c'est meilleur, ou alors il lit 10 juz. Rak'atayn c'est meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. En t'allan, les frères ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de kada. Afdal l'amal, c'est ça. Le tu travailles pour la da'wa. Si tout le monde va au masjid, on fait quoi? On fait quoi? Qui c'est qui creuse? Qui c'est qui cadre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas resté dans le masjid. Les anna, ils ont su anna, il y avait besoin d'un khandaq. Là, bout de tout le monde sort. Et ça, c'est afdal l'amal. Le meilleur, c'est celui qui creuse. Et tout ça, c'est min akhd al-asbab. Fantabih. Fantabih. Fait à dire, ayam, la personne, elle, il doit jongler. Et il doit être zaki. Si c'est pas, demande. On a ayam, des gens, ils. Madri, ils ont des idées là, je fais plus ça. Non, ça, c'est mieux. Akhi, c'est pas toi qui choisis. L'an, c'est l'ilm qui juge. C'est l'ilm. Il y a des choses, c'est important, c'est pour tout le monde. Ah, mais tu penses qu'à toi? Là. Là. Un tabiou had à l'égoïsme, c'est khatir jitan. Nous, on est une umma, wahida, attention, bihablillah, jami'an. Tu ne dois pas penser qu'à toi. Le sabab al-thamin wa al-akhir, le dernier sabab, qu'on a cité, il y a des autres sabab. Lakin ahammuha, at-tawba. I'lam, an Allah subhanahu wa ta'ala, dès qu'il t'éprouve par quelque chose, ou il te maladie, ou min hadil umur, fi kathir min al umur, c'est que t'as fait le ma'asiyah. Qala subhanahu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Anibu aytubu ila rabbikum wa aslimu lah. Min qabli an ya'tiyakum al adhab, thumma la tunsaroun. Thumma la tunsaroun. Ça te montre, hadi, an at-tawba, al-inaba, c'est une des causes, un des sabbats. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne la victoire. Et là, chaque que tu vas faire tawba, il y en a ta fin de dame. Wa ma asabatkum musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Toutes ces musibats qui t'arrivent, c'est ce que tu as fait avec tes mains. Nahnu l'an, labud on fait tawba. Et chaque personne il se connaît. Tu fais tawba lillah. Tu sais que tu as fait un péché, tawba d'Allah. Peut-être que ce péché, c'est une des causes que. On est dans cette situation. Peut-être. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous éprouve, hatta, il nous purifie de ses péchés. On fait tawba, inshallah, al-Nasr, il arrive beaucoup plus vite. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, kama ta'lamun. Il n'a pas de péché, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il lui a tout pardonné. Hatta le djinn qui est avec lui, aslam, son nefs, elle veut que le bien, et il fait que du bien, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il est appuyé par le wahi. Il jure annahu kan yastaghfir wa yatub akthar min 70 marra fi al-yawm. Fi riwaya akthar min 100 marra. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pas de péché, rien. Lakin, il fait tawba, il demande pardon 100 fois par jour. Ma balouk anta. Anta, tu glisses avec ta langue huna, avec ton regard huna, tu vexes foulan. Ahyanan dans les wajibat, on n'est pas à kada. Ahyanan ta pas shkur. Ahyanan, ahyanan, ahyanan. Fa nahnu, il faut qu'on tawba ila Allah azza wa jal kathiran. هذا ما يتعلق بالأسباب ونحن في الحقيقة اختصرنا إن آية يكفي نحن الآن سي مجرد يعني نصيحة وذكر بغابوغا شكي سباس أما ساسا دموند دي شروح كثير لكن يكفينا نحن الاسانسيال الحقيقة سي با كثرة الكلام ونشرح سا بندون اون سومان لا لا الاسانسيال سي ان بو اي اون ابليك تا كومبخي انا من أسباب الذكر تا با بزون شروح شتامن دي فتوى On aurait pu. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh. Il n'y a pas une grosse haja. Tu sais qu'il faut faire beaucoup de dhikr. Dès qu'on finit dedans, on commence. Tu sais qu'il faut faire du'a. Dès qu'il fait la da'a, raka'atayn, tu fais du'a. Tu sais que ce soir, ils ont besoin d'aide. Une chose mohib. Inch'Allah, on se prépare et on y va. Et après, il n'y a pas de fruit. C'est une hujja contre nous. Al-Qur'an, hujjatun lak aw alayk. Min al-mawani', on va citer des choses. Tout ce qu'on a dit, le contraire, c'est un mané. Maintenant, faire beaucoup de dhikr, c'est une cause pour avoir un nasr. Pas faire de dhikr, c'est une cause pour pas avoir un nasr. Voilà, kada. Lakin, on va citer ba'duha. Famine al-mawani'. Les mawani', c'est une chose qui empêche. Mawani' al-nasr. il y a des choses qui empêchent d'avoir un nasr. ومن أهم الموانع الظلم. Celui qui est injuste, فهذا il n'a pas les caractéristiques pour avoir un nasr. قال عز وجل وما للظالمين من أنصار. الظالم il n'a pas de nasr, il n'a pas d'ansar, abadan. Personne peut le secourir. Sans zalim. ومن الظلم ومن أعظم الظلم الشرك بالله عز وجل. واتباع غير النبي عليه الصلاة والسلام. والتقليد الأعمى. وظلم الناس. Tout ça, c'est des choses. Si un homme, il a hadha dhulm, il n'aura pas de nasr. Prends des armes, fais ce que tu veux, tu n'auras pas de nasr. Tu seras makhzoul. Wal'iyadu billah. Qala azza wa jal, wa al-zalimuna ma lahum min Allah min waliyin wala nasir. Wala nasir. Al-zalim, personne ne peut le secourir. Fa iyaka wa iyaka wa al-zulm. Hatta avec l'adou. Hatta avec l'adou. Hatta avec le kafir. Pas de dhulm, t'es juste. Il te combat, tu te défends. Hatta Nabi sallam, il a interdit fi al-ma'raka de tuer femme et enfant. Interdit, c'est du dhulm. Qu'est-ce qui t'a fait la femme qu'est-ce qu'elle t'a fait la femme et qu'est-ce qui t'a fait l'enfant? Kadhalik, le prophète sallam, il a interdit al-tamthil. Aïe, le fait de déformer le corps. Matalan, un mujahid, il tue un adou, matalan, il lui enlève le nez, comme ils font par le juhal. Il lui enlève une oreille, il lui enlève les yeux. Ça, c'est du dhulm. C'est injuste l'an. C'est un kafir. C'est un adou. Un tata, t'as eu ce que tu voulais. Matalan, il est mort, il ne peut plus te faire de mal. L'imada, tu dépasses les limites et tu vas et tu lui fais hada. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه pas droit, il est mort, انتهى, il ne peut plus te faire de mal, alhamdulillah, يحمد الله عز وجل. Un match, tu vas et tu le déformes, il a akhiré, là, il y a 12. Ça, c'est un idéal qu'on donne vers le djihad et جميع الظلم. المانع الثاني الاغترار بالكثرة والقوة. Ça, c'est من أعظم الموانع. وهذا لا يسلم منه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى إلا من تعلم المعتقد الصحيح وصار على نهج النبوة على نهج الصحابة هذا إن شاء الله ينجو من هذا أما السلوك على علم إلى آخره فقليل قليل من يسلم من هذا أي الاغترار بالكثرة والقوة la personne il croit que c'est la force le nombre ils sont 10 000 on n'est que 5 ils sont 100 on n'est que 2 ومن هذه الأمور tout ça c'est pas un mizan والله c'est pas un mizan لأن الله سبحانه وتعالى il fait ce qu'il veut قال سبحانه في القرآن قال لقد نصركم الله بمواطن كثيرة ويوم حنين يوم حنين حنين c'est à la fin de la vie du prophète صلى الله عليه وسلم les musulmans ils étaient كثير ils commençaient à avoir de la force, de la قوة فبعض الناس qui étaient avec le Nabi صلى الله عليه وسلم ils ont été fait en غزوة حنين حتى قال بعضهم اليوم لا نغلب من قلة il a dit aujourd'hui Inch'Allah, on va pas se faire battre. On pourra pas se faire battre, yani on n'est pas assez, il a arrêté là. Alhamdulillah, le nombre on l'a. Fa yawm Hunayn, Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés, ils ont perdu beaucoup d'hommes. Pourtant, ils étaient beaucoup. Yawm Badr, ils étaient beaucoup moins. Ils étaient 300 taqriban. Al-Mushrikoun, ils étaient akthar min 1000. Ils ont eu la victoire. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui dirige hadha al-kawn. Hatta yawm Badr, ba'd as-sahaba ils jurent, ils disent wallah On arrivait en face de l'ennemi et sa tête elle tombe, il tombe devant nous. On n'a même pas bougé. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a montré Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé des anges, il a fait un coup. Il faut prendre l'asbab. Quand il y a le qa'il, lakin vous avez cité les causes, il faut les prendre. Lakin tu ne t'appuies pas sur cette cause. Tu la prends. Tu dois te cacher, tu te caches. Tu dois mettre des protections, tu les mets. Lakin tu sais que si Allah il veut que tu meurs, tu mourras. Avec ça ou sans ça. Enfin, ta confiance, tu la places en Allah, tu ne la places pas dans les causes. هذا قال ابن القيم رحمه الله عند هذا قال اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أنه أذاق المسلمين مرارة الهزيمة والكسرة مع كثرة عددهم وعددهم الله سبحانه وتعالى il a fait que يوم حنين ils ont goûté à la défaite ils ont perdu des hommes c'était dur malgré qu'ils étaient beaucoup قال لماذا قال ليبين سبحانه لمن قال لن نغلب اليوم من قلة الله سبحانه وتعالى il a montré à ceux qui ont pensé c'est bon, aujourd'hui on est beaucoup, on ne va pas perdre. Allah subhanahu wa ta'ala il leur a montré anna an-nasra innama huwa min 'indih. Tu sois 10 ou 1000, an-nasra il est min Allah. Amma si tu crois que c'est le nombre, tu crois que le nasr il vient de toi. Il y en a, on est beaucoup. Et hada c'est grave. Hada c'est grave. Qala wa innama huwa min 'indih. Qala wa annahu man yansuruhu fala ghaliba lahu. ومن يخذله فلا ناصر له غيره. تقدمت الآية. قالوا إنه سبحانه وتعالى هو الذي تولى نصر رسوله ودينه لا لكثرتهم. قال التي أعجبتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا فوليتم مدبرين. الآن تكوخي أن النوم لا لأن سيت تكوخ النوم تبع دلسي الله سبحانه وتعالى تكن كور. فأنت تتوكل على الله on est 10 on est 1000 c'est Allah سبحانه وتعالى qui donne la victoire. فمن أعظم الموانع سأل اغترار بالكثرة والاغترار بالقوة. نحن on a des kada, on a des kada, on a des kada, et en face ils n'ont pas beaucoup. داخل المسألة c'est pas que ça, c'est pas que ça. فلهذا قال عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. Allah سبحانه وتعالى montre dans le Coran كم des petits groupes ils ont battu des grands groupes. Prends l'exemple de Badr. Prends l'exemple des autres ghazwa. Les autres ghazwa avec le prophète et les compagnons radiyallahu anhum, ahyanan l'ennemi était 10 fois plus. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es à la haq et tu as les asbab qu'on a dit et tu combats pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il donnera la victoire. Hatta Allah subhanahu wa ta'ala il est capable d'envoyer une armée en tant tu vois pas des anges et il t'aide bi'idhni Allah azza wa jal. Wa akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam كما تعلمون في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمم ستجتمع على هذه الأمة des ennemis de toutes parts. Ça, le professeur صلى الله عليه وسلم a informé, ça va arriver. Et الصحابي il a demandé, il a dit يا رسول الله هل نحن كثير. Il va lui demander est-ce que c'est par rapport au nom. هل نحن كثير يومئذ. Le professeur صلى الله عليه وسلم il va lui dire نعم أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. Professeur صلى الله عليه وسلم montre vous êtes beaucoup لكن غثاء كغثاء السيل. Beaucoup لكن c'est pas à la thabat. Beaucoup لكن chacun fait ce qu'il veut. Beaucoup en nombre لكن les cœurs ils sont divisés. Fulani veut là, fulani veut là. Tu peux être 10 millions, ça sera pas une grande utilité. C'est quoi la cause? Le professeur صلى الله عليه وسلم a montré la cause, l'imada, le nombre à cette époque il servira pas grand chose. قال حب الدنيا وكراهية الموت. Ce nombre الآن qui ils sont beaucoup, pourquoi ils n'auront pas la victoire? Les anna ils aiment le dunya et ils ont peur de la mort. Hada tu pourras pas aller loin avec lui. Il combat dans sa tête, ouais, il veut pas, il a peur de la mort et la kada. Hada il pourra pas combattre et avancer comme un frère. Il tawakkal ala Allah et il sait que s'il meurt il est à la khair. La shahada c'est mieux que cette dunya. Mais un qawm il a peur de kada, il pourra rien faire. Ou alors ils sont 10 000 peureux, 10 courageux, ahsan minhum. Les 10 000 ils sont capables, un coup, faire tous demi-tour, ils te laissent tout seul. La tartar bil kathra. La tartar. Shaitan il vient, il les waswas, ils font tous demi-tour, tu restes tout seul. Allez où le kathra? Al-Ghan, il te reste plus que toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'hafad. Min al-mawani'a kadhalik. Et c'est ce qu'on a cité l'an. At-tanazu' wa at-tafarruq. Hay la division. Qala azza wa jalla, ati'u Allah. ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الشاهد ولا تنازعوا فتفشلوا. النزاع c'est التفرق la division. Ça te montre أن si le nombre il est à l'Iman, il est à التوكل, il a les choses qu'on a citées et ils sont tous unis, ça te montre que ça va augmenter leur force. Là, c'est un sabab. Et ça te montre que si les personnes se divisent, c'est une cause pour ne pas avoir la victoire. فتفشلوا. الفشل c'est tu tombes. وعلم أن الجماعة لقائمة على الحق. جماعة c'est pas on combat pour une patrie comme ils font بعض الناس ou on combat pour une idée والعياد بالله il y en a qui combattent pour la démocratie. On a là نحن c'est العقيدة qui nous rassemble. Tous le même iman بالله, tous on aime le Rasoul, on aime les compagnons, on les suit. Ça fait une jama'a. Ça fait une jama'a. Labud min al-hifad ala jama'a. Et sache que des petites choses, elles peuvent khalif al-jama'a, elles peuvent diviser le jama'a. Wallah, des petites choses, une parole. Une parole. Su'udhan. Une mauvaise mu'amala, ça peut diviser. Fal-mu'minun ikhwa. Et anta, t'es là, inshallah, t'as la même cause que ton frère. Le frère, il a la même cause que toi. Combat tous li'i'la kalimatillah azza wa jal. الحذر من التنازع حذر. السيا كي شوز كي فامان النصح الدين النصيحة الأمر بالمعروف إنه يعني منكر. سواء كما يفهم بعض الضلال نجتمع بما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. سا مبدأ باطل. سواء فادي الجماعة جوا إن شوز جمتة لا Le modaris, il a dit, il ne faut pas qu'on se divise. Il parle, montre. S'il ne veut pas, c'est lui qui a divisé. Et nous, on est le jama'a, et lui, ce n'est pas le jama'a. Hakada. On montre le haq. Tu montres. S'il a du khir, il acceptera. S'il n'a pas de khir, fa amruhu ila Allah. Le jama'a, il m'a venu à la hada. T'as un défaut, je te dis en face, t'as kada. Il ne faut pas faire kada. Fais plus ça, ça fait kada. Il a khir. C'est un jama'a, on s'entraide. Le prophète sallam, il a dit din nasiha. Amma la religion des chrétiens, je prends une claque dans la joue droite, je t'en la joue gauche, c'est pas min dinina hada. Il y a quelque chose qui ne va pas, je le montre. Kada t'a fait kada. Il a khir. Et on cède. Et kada Alex, celui qui montre, bref. Et tu montres, Léana, tu veux le bien, frère. Et on le ramène vers nous. C'est pas, il a fait une erreur, khalas, on l'enterre. Khalas, il a fait une erreur, khalas, j'ai des doutes, est-ce que c'est un sunni. C'est pas min dinina hada. Une saine église, ça arrive, t'es un être humain. Un tas, réfléchis déjà d'où tu viens. Les gens, ils auraient fait ça avec toi. Les gens, ils auraient fait, ah non, lui, il est bizarre. Là, t'as une rahma pour les gens. Tu vois, un, il a une erreur, on le ramène. On le sait. Nasiha, c'est pas une minute. Et Nasiha, c'est pas tu dis ce que t'as dans la tête. Là, Nasiha, tu prends le waqt. Et Nasiha avec le kitab et le sunnah. Et tout doucement, Inch'Allah, jusqu'à on gagne le frère, jusqu'à il revient vers nous. C'est ça le but. Amma, le but, c'est qu'il s'écarte. Ah, il est bizarre. Une petite Nasiha à la tariq. Comme ça, il dit, je ne sais. Et on écarte le frère. Et taqudzolm. Allah, ça c'est cette chose, ça peut faire nafshal et on n'arrive pas à la victoire. كذلك المانع الأخير ونقف هنا إن شاء الله وهو الركون إلى الظلمة أي vouloir يعني céder ou prendre parti ou avec des ظلمة منافق كافر. T'as pas le droit هذا. T'as pas le droit, t'as tes frères avec toi, des mu'min, ils sont à la tawhid. Tu t'aides pas avec Haoula, munafiq, un kafir, un zindiq. La. Qala azza wa jal, wa la tarkanu ila alladhina zalamu, fatamassakum al-nar. La tarkanu ila Haoula, ils pourront rien te servir. Wallahi, ils pourront rien te donner. Voilà aussi te promettre. Tu fais kada, on va te donner kada, ila akhiri, a'oudu billah. Qala azza wa jal, ya ayyuha alladhina amanu, la tattakhidu al-yahud wa al-nasara awliya. Ba'duhum awliya uba. Pas besoin de prendre Haoula comme allié. Un zalim, un kafir, abadan. En tant que tes frères musulmans, t'as tawakkal à Allah et c'est Allah qui te donne la victoire. هذا الذي أردنا نصيحة مختصرة ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصرنا على هؤلاء الظلمة. اللهم عليك بهم. اللهم شتت شملهم. اللهم اكسر شوكتهم. اللهم انصرنا عليهم. والحمد لله رب العالمين.